Ma prière, ô Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai au haut. Moi qui étais Barabbas et lui qui était trois fois saint, mais ce jour-là il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. Ce n'est pas fini, il m'a dit encore. Et qu'un jour, moi, il faut, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie ce sera quand je le verrai. Oh, oh, oh, oh. Onkolo Yesu yoka libondeli nanga ye. Onkolo Yesu yoka losambo nanga ye. Tika ngai ete na umela o na lilo bayantango mpoyango neko memanga liboso na Yesu mobale oyo ngai nalinga mingi o nano na mona te o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu yeyeye o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu na nga. Oh, ese mona mokolo yo, naina komo na kolo Yesu ye ye ye. Oh, ese mona mokolo yo, naina komo na kolo Yesu ye ye ye.